secret. Il ne quitte qu'à regret et protège hostile ses terres inconnues. Où peut-on explorer et encore moins violer, dévoiler mis à nu. S'il s'en donne la peine, chacun peut la nommer espace de liberté. Et pour moi c'est Molène. Ce prix des embruns avec pas les marins. Ce souffle le vent chanté par les enfants. Se déroule, ces falaises sont de roc. Contre la mer font bloc, chahuté par la brise, comme une tour de pise. Ces forêts de fer me rappellent la mer. Se brise les embruns, rêvent pas les marins. Ce prix des embruns aide pas les marins. Ce souffle le vent chanté par les enfants. Et de faire un trou.